je n'ai qu'un cœur qui compte à rebours pour tout cet amour avant que je meure. Il y a tant et tant de choses à aimer sur cette terre, à commencer par son père et sa mère. Je les aime bien que je ne les ai pas choisis. Il en est ainsi toute la vie. Mais je n'ai qu'un cœur qui compte à après la pluie, et j'aime le jour et j'aime la nuit. J'aime la femme que j'ai prise, et bien que je la chérisse, je vois passer bien des Ophélies. Mais je n'ai qu'un cœur qui compte à rebours. Cet amour avant que je meure. Je sais que la mort me guette à chaque instant de ma vie. De là me vient ma fureur de vivre, vouloir à tout prix réussir tout ce que j'ai entrepris. Fait couler dans mes veines un sang ivre. Mais je n'ai qu'un cœur qui compte à rebours pour tout cet amour avant que je meure. Mais je n'ai qu'un cœur.